Je vois qu'il y a un truc de retard en fait. Je sais pas. Un truc de retard. Je reste dans la même note jusqu'à la fin de la mesure. Ouais. Comment la prendre en compte ce truc? C'est-à-dire qu'à la fin, moi je suis par exemple allé à. Thank you.